théâtre de 10h bientôt pour le voir chanter. Alors Céline Dion est avec nous ce soir. Elle a ouvert cette soirée en rendant hommage à Michel Berger. Elle revient cette fois accompagnée du groupe Il Divo pour I Believe in You. Céline Dion et Il Divo. You have chosen a restless road, no turning back. One day you will find your light again. Don't you know? Don't let go, be strong. Symphonique Night of the Proms. Merci pour ce magnifique moment que vous nous avez offert tous les cinq. I Believe in You, c'est le seul titre en anglais de l'album Best of français de Céline. C'est le premier Best of. Ça s'appelle On ne change pas et on trouve aussi sur ce disque en bonus un DVD avec des images de Céline inédites et formidables. Et puis Il Divo, votre album, le nouvel album est sorti le 7 novembre dernier. Merci beaucoup, merci à tous les cinq. Merci à vous. Merci Céline. Merci à vous. Bon retour à Montréal et merci. À Las Vegas. Merci. Merci. Et un gros bisou à René Charles. Avec plaisir. René. Ah, mais ça, c'est toujours avec plaisir. Ouais. Merci à vous tous encore une fois. C'était un beau moment pour moi. Merci. Salut le chef de l'orchestre des Night of the Proms, Robert Grollo. Merci beaucoup. On va retrouver maintenant Olivia Ruiz. Elle s'est fait remarquer en 2003 avec un titre provocateur qui s'appelait « J'aime pas l'amour ». Ce soir, elle rend l'hommage à une des figures clés de l'âge d'or de Saint-Germain-des-Prés, une femme libre et sans tabou qui fréquentait Sartre.